FrenchPod.com. Debout. Il est déjà 6 heures. Il faut aller travailler. Bon, si c'est comme ça. Tu es malade ? On est dimanche !